peut-être vous réécouter si vous êtes venu nous parler ce matin. À demain pour 2 heures de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe avec vous, Justine Hermans, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Beaucoup de réactions ce matin à la suite de l'annonce du décès de Shimon Peres, l'ancien président et premier ministre israélien et prix Nobel de la paix. Charles Michel, notre premier ministre, parle d'un grand homme politique et d'un artisan de la paix. Benjamin Netanyahou, l'actuel premier ministre israélien, parle de lui comme étant un visionnaire tourné vers l'avenir. Vladimir Poutine, le président russe, salue lui le courage et le sens de la patrie de Shimon Peres. Alors la date des funérailles, de ces funérailles est déjà fixée, ça sera normalement vendredi dans 2 jours. De nombreuses personnalités sont attendues, plusieurs figures politiques américaines, notamment le président Barack Obama, mais aussi la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton et son mari, ancien président Bill Clinton. Le pape François se rendra aussi en Israël. Une menace terroriste plane-t-elle sur nos militaires? En tout cas, le parquet fédéral enquête sur la diffusion de photos de militaires belges par le groupe terroriste État islamique. Des photos diffusées par Rachid Kassim, l'une des figures francophones importantes de l'organisation terroriste. Le géant français des cosmétiques L'Oréal s'associe avec une start-up pour produire des cheveux in vitro à l'aide d'un concept novateur, l'impression 3D de tissus biologiques assistés par laser. Cela veut dire qu'il sera alors possible de faire pousser, de produire de nouveaux cheveux grâce à cette technique. En sport du football, quelques Belges sur le terrain en Ligue des Champions ce soir, notamment Thomas Meunier avec le PSG en déplacement au Ludogorets Razgrad ou encore Dries Mertens à Naples qui reçoit le Benfica. Toujours en football, on rappelle la défaite sèche du club de Bruges hier soir en Ligue des Champions, défaite 0-4 contre Copenhague. Bruges est dernier de son groupe avec 0 points. En tennis, David Goffin joue en ce moment au tournoi de Shenzhen, c'est en Chine. Match du deuxième tour, c'est face au Tunisien Jaziri, 55e joueur mondial. Un mot sur la météo, un ciel très couvert ce matin, mais petit à petit, le soleil va faire son apparition depuis le littoral. L'après-midi devrait être agréable avec des températures douces, de 18 à 20 degrés sur les hauteurs et jusqu'à 23 degrés ailleurs. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, la situation est très calme par rapport à hier. Oui, effectivement, par rapport à hier et par rapport à demain aussi, où on attend une manifestation, vous le savez, des rassemblements dès 8h30 dans le centre de Bruxelles, à l'esplanade près de la gare du Nord, pour être précis, avec des conséquences tout au long de la journée, nous vous tiendrons informés. Mais pour l'heure, circulation légèrement ralentie en ring intérieur de Bruxelles, autour de Jette et de Grimbergen en direction de Zaventem. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons tout de suite sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, retour de l'info à midi. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 2 octobre. Bellisol. Plus d'infos sur bellisol.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Il y a qu'Isabelle qui a l'air... Je suis la seule réveillée. Il me semble, mais 11h, et 11h03, il est temps de se réveiller quand même. Bon, autour de la table du monde qui va nous aider à combler ces 2 heures en donnant un petit coup de fil, notamment à Katrina qui a réservé un séjour en Sicile dans une agence de voyage. Elle a pris une assurance annulation. Elle a dû annuler le voyage 2 jours avant le départ et l'assurance, Annie, ne veut pas intervenir. Bah oui, à quoi ça sert de prendre une assurance annulation, n'est-ce mais pas? On se pose la question. Mais ça ne va pas être facile comme dossier, je peux déjà vous le dire. Dans le journal de la Conso, Sophie, on parlera du contrôle technique. Oui, on en parlera car les Bruxellois ne sont pas bons élèves dans le domaine. La police est là aussi. Bonjour. C'est pas moi, Olivier Bogart, c'est pas moi qui ai commis cette infraction, c'est pas moi. Dites, on va parler délits informatiques avec vous et surtout... Aujourd'hui, protection des données, notamment sur Google et Facebook. Il faut faire gaffe à ça. Oui, parce qu'ils ont mis à disposition désormais, heureusement, un outil qui nous permet de voir exactement ce qu'ils collectent à notre niveau. Et je peux vous dire que surprenant. D'accord. Et puis le Belge voudrait pouvoir faire ses courses en soirée, Isabelle. Mais oui, c'est une étude qui vient de sortir qui le montre. Il voudrait bien que les magasins soient ouverts, les magasins de proximité surtout, soient ouverts jusqu'à 19, voire 20 heures. C'est une question qu'on vous pose sur la page Facebook. Oui, justement, jusque quand les magasins devraient ouvrir leurs porte. N'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook. Est-ce que vous voudriez aussi qu'il soit ouvert le week-end? Envoyez aussi un SMS au 3063, 50 centimes le message. Sur notre répondeur, un petit mot au 070 222 660 ou par email à pigeon au pluriel @rtbf.be. Côté musique, il y aura des chanteurs morts. Comme ça, excusez-moi, mais Daniel Balavoine, nos dernières nouvelles. Hein ? On n'en a plus de nouvelles. Il y aura aussi Pierre Rapsat. Vous écoutez, on n'est pas les pigeons, c'est jusque 13h sur Vivacité. Bienvenue tout le monde. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Strumbellas sur Vivacité avec le titre Spirits. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Si vous voulez prendre le train avec votre animal domestique, il faut penser à payer un supplément de 2,30€, un ticket pour le toutou ou pour le chaton. Si vous ne voulez pas que le contrôleur vous file une amende, c'est ce dont nous parlait Cyril hier à la radio et à la télé. Vous avez été nombreux à réagir là-dessus, Sophie. Et cette règle ne vous plaît pas trop forcément. Elisa, si votre chien entre dans un sac ou une cage, il ne faut pas payer. Mais s'il est libre, alors oui, il faut payer. Encore une de ces règles absurdes. Michel nous dit, mis à part le fait de remplir les poches des actionnaires SNCB, je ne vois pas pourquoi un pauvre chien devrait disposer d'un ticket, d'autant plus s'il n'occupe aucune place assise. Et puis Christian nous explique pourquoi il n'est pas d'accord non plus. Si c'est gratuit pour un enfant de moins de 12 ans, ça doit l'être aussi pour un chien qui est quelque part un enfant pour le maître, d'autant qu'il occupera une place au sol et non pas assise. C'est juste discriminatoire. Et puis enfin, Cédric pense tout simplement que ce n'est que pour faire de l'argent, etc. Désolant. puis il y a ceux qui connaissent la règle aussi. Hein. C'est le cas d'Annette. Le billet pour animal existe depuis toujours et quand on est responsable, on se renseigne avant de voyager avec un chien. Perso, je voyage avec le mien, je paye son billet et je ne cherche pas à resquiller, surtout pour une aussi petite somme. Et puis enfin, Jean-Jacques nous confie qu'en général, les accompagnateurs sont assez cool pour les chiens de petite taille qui restent sur les genoux par exemple. Mais quand ça concerne un gros chien, c'est une autre histoire. Hier, on vous parlait d'Intradel, l'intercommunal qui gère les déchets dans la province de Liège et qui organise des ateliers pour apprendre à fabriquer des produits ménagers d'entretien soi-même à la maison. Et bien, il y a trois auditrices qui nous ont envoyé un petit mail après avoir participé justement à un de ces ateliers. Oui, en effet, trois amies, Camille, Claudine et Monique, nous écrivent « Bonsoir, ce mail pour vous dire combien nous avons apprécié d'avoir pu participer à l'atelier organisé mercredi dernier à Novi. Une pleine réussite, tant au niveau de l'interactivité, de la clarté des explications données par une animatrice qui maîtrise son sujet. Elle partage non seulement ses connaissances, mais aussi son enthousiasme et ses motivations. Je soulignerai aussi son sens de l'organisation et bonne gestion du timing. En un mot, un atelier instructif, captivant, débouchant sur une vraie prise de conscience et puis l'envie de changer de vieilles habitudes en pensant aux futures générations. Et puis André, lui, nous a écrit sur notre page Facebook « Des ateliers en province de Liège, oui, mais aucun Liège, ville, dommage. » Ça, c'est un peu bête. Bon, on va lancer l'idée. Oui, hein. on va lancer. Hubert va servir de professeur, évidemment. Si vous avez des choses à nous dire, on rappelle, Sophie, les moyens pour joindre la rédaction. Il y a Facebook, mais pas que Facebook, évidemment, dans la vie. Non, vous pouvez nous écrire un mail à pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur le répondeur au 070 222 660 ou par écrit, donc par SMS, au 30 63 50 centimes le message. Je me présente, je m'appelle Henri, et ce sera après la pause avec Danielle Balavoine. Je vous la présente, elle s'appelle Annie, ce sera aussi après la pause. Et on va aider Katrina, qui a fait jouer l'assurance annulation pour un voyage, mais que ça n'a pas fonctionné, cette histoire. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefel, c'est Crefel. Profitez-en maintenant. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux. Prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Biome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. À Biome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. À Biome, fenêtres, portes, vérandas, abiome.be. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler. Sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Ce dimanche 2 octobre au Westland Shopping, vivez une journée d'aventure en famille grâce à nos super animations pour petits et grands. Château gonflable, air jump, clown, magicien et un délicieux goûter sucré feront de cette journée une vraie réussite. De plus, vos deux premières heures de parking vous seront offertes ce dimanche 2 octobre. Westland Shopping, une expérience shopping à vivre en famille. Ce dimanche 2 octobre de 11 à 19h. Infos et conditions sur westlandshopping.be. Ring West, sortie 14, accès facile. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être télé. et se lève pour prolonger le combat. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, je remonterai sur scène comme dans les années folles. Je ferai pleurer mes yeux, je ferai mes adieux. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Je me prostituerai pour la postérité. Les nouvelles de l'école diront que je suis pédé, que mes yeux puent l'alcool, que je fais bien d'arrêter. Brûleront mon auréole, saliront mon passé. En 1978, c'était Daniel Balavoine avec le chanteur. Du Kenya, tu ramènes la gangrène. En Turquie, il y a les prisons. En Afrique, t'as les amibes. En Amérique du Sud, la malaria. Tu vois, vraiment, il n'y a que chez soi qu'on est en sécurité. On va parler voyage avec Katrina. Bonjour. Katrina, êtes-vous là? Si, si, je suis là. Ah, vous êtes là. Vous aviez réservé un séjour en Sicile dans une agence de voyage. La réservation s'est faite en février dernier. Je vous entends très mal, pardon. Je vous entends très mal. Je disais, vous avez réservé un séjour en Sicile en février dernier, vous avez pris une assurance annulation, ok? Oui, c'est bien ça. Fin avril, vous apprenez malheureusement que votre belle-mère est atteinte d'un cancer du pancréas. Vous prévenez immédiatement l'agence, mais vous n'annulez pas le voyage. Non. L'état de santé de votre belle-mère se dégrade. J'avais une assurance annulation, il n'y avait pas de problème. Mais l'état de santé de votre belle-mère se dégrade. Je pouvais attendre l'évolution de la maladie et que je pouvais annuler jusqu'au jour du départ. Et vous avez annulé 2 jours avant le départ. C'est bien ça. Et l'assurance ne veut pas intervenir. Non. Elle dit que j'ai trop attendu. Donc là, il y a un petit souci. Donc à l'agence, on me dit que j'ai le temps jusqu'au jour du départ pour annuler. Et alors, quand je reçois la réponse de chez Allianz, ils me disent que j'aurais dû annuler puisque j'étais au courant de la maladie de ma belle-mère. Donc, on a deux sons de cloche. On a deux sons de cloche différents, Annie, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors écoutez, on a bien compris que Katerina est passée par une agence de voyage. Alors la réservation, elle a quand même lieu au mois de février. L'annulation, l'assurance est prise. Le coût du voyage, quand même, 1 500 €. Alors j'ai eu des contacts à la fois avec l'agence et avec la compagnie d'assurance. Alors côté agence, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas le même son de cloche tout à fait que vous, Katerina. C'est qu'on dit que vous êtes venue au mois d'avril pour prendre des informations sur les conditions d'annulation si jamais on annulait, puisqu'à ce moment-là, elle vient d'apprendre l'état de santé de sa belle-mère. Que vous êtes retournée à l'agence le 9 mai et que vous avez payé le solde du voyage. Et que fin mai, vous êtes revenue pour l'annulation. Mais demandé si je payais. Mon voyage était conclu, quoi. Et alors, elle me dit, écoutez, si ça va pas, elle dit, vous avez l'assurance annulation. D'accord, et donc je n'avais pas le choix, je devais payer mon voyage. D'accord, mais donc, pour l'agence, vous êtes venue à plusieurs reprises, mais ils n'acceptent pas de dire qu'ils ont traîné et qu'ils vous ont dit d'attendre pour annuler. Ça c'est... Bon, okay. Attendez, côté ça agence. Voilà, alors, côté compagnie d'assurance, j'ai envoyé un long mail avec des explications. On vient de me répondre que la politique de la maison, on ne sait pas d'intervenir à l'antenne et qu'on ne s'exprimera pas sur un dossier parce qu'atteinte à la vie privée, etc. Mais on ne me dit rien dans le dossier. Ce qu'on me dit, c'est que madame aille voir le tour opérateur, ce qui est un peu... On tourne en rond comme ça. Oui, ça c'est clair. Voilà, et donc c'est un petit peu compliqué, mais dans le dossier, on se rend compte qu'il y a un document médical qui a été rempli par un médecin. Oui. Et peut-être que ce document a été, entre guillemets, assez maladroitement rédigé, parce que dans le document, si vous voulez, le médecin donne deux dates. Il dit, ben voilà, au mois d'avril, on apprend qu'il y a le cancer et madame est décédée fin mai, fin début juin. Et donc, pour la compagnie d'assurance, en voyant ça, elle dit, la compagnie d'assurance, ben écoutez, vous saviez qu'il y avait un souci au mois d'avril, il fallait annuler à ce moment-là, il ne fallait pas attendre. Et d'un autre côté, argument, c'est de se dire, ben voilà, quand on vous annonce que quelqu'un de votre famille est atteint d'un cancer, au moment où vous le savez, au moment où vous prévenez l'agent de voyage, la personne atteinte d'un cancer, elle n'est pas encore morte. Jusqu'à nouvel ordre, on soigne des cancers, on peut s'en sortir. Et donc, c'est un petit peu... un peu curieux comme attitude de la part de la compagnie d'assurance. Et d'un autre côté, on sait bien que dans les conditions générales des assurances annulation, ben, si vous êtes au courant d'un état de santé et que vous attendez, voilà, il faut le dire assez vite. Mais c'est ici donc, très étrange aussi la position de l'agence de voyage qui lui dit d'attendre jusqu'au dernier moment. Oui, et d'un autre côté, bon, les gens que j'ai eu en ligne hier à l'agence, ils me disent, ben, on a regardé le dossier sur leur écran, ils disent on n'a jamais dit ça à madame. Donc voilà, on tourne en rond, on est avec des versions contradictoires. Et donc, ce que vous devriez faire Caterina, vis-à-vis en tout cas de la compagnie d'assurance, c'est contester la décision, refaire peut-être un courrier en reprenant et en argumentant votre position, et si ça ne va pas, ce qu'on me dit, c'est de vous tourner vers le médiateur dans le secteur des assurances, qui est chez Assuralia. Je vous donnerai toutes les références hors antenne. Mais voilà, dossier ici, compliqué. On est dans un dossier compliqué parce que personne n'a la même version, et qu'en plus, il y a des documents qui n'ont peut-être pas été... Rédigé correctement. Enfin, c'est pas correctement, c'est peut-être maladroit parce qu'un document comme ça, ça finalement, c'est tout bénéfice pour la compagnie d'assurance qui va dire, bah, écoutez, vous saviez, ne vous plaignez pas, il fallait annuler à ce moment-là. Bon, Caterina... Mais on suit le dossier. On va suivre le dossier, vous avez compris. Hein, un petit mail qui récapitule un peu pour vous opposer à la décision et puis le médiateur. Annie vous donnera les coordonnées hors antenne. Voilà, nous, tout ce qu'on peut faire dans ce dossier, effectivement, assez compliqué. On conclut en parlant d'assurance annulation, peut-être effectivement bien lire toutes les clauses. Oui, elle est utile, l'assurance annulation. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas la prendre. La seule chose, c'est quand on achète un voyage dans une agence de voyage, un voyage à forfait, on vous dit « Ah, ça va vous coûter, c'est pas cher » et on ne lit pas les conditions générales parce qu'en général, on ne les a pas à ce moment-là. Donc, avant de signer le document, demandez à lire les conditions générales parce qu'il y a une série d'exclusions. Et si vous achetez comme ça, sans lire, ça veut dire que vous achetez, comme on dit, un chat dans un sac. Et donc, voilà, faites attention. Et il y a toujours le médiateur en cas de problème avec un courtier ou avec une compagnie d'assurance. On part au soleil dans quelques instants avec la musique d'Enrique Iglesias et puis il y aura dans la foulée le journal de la conso où on apprend que le Belge boit moins de vin français. Il boit moins mais de meilleure qualité. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivé devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Vivacité et la 2 présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Loto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Écoutez ça, pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez de notre grande foire au porc. Par exemple, à l'achat de notre colis boucherie de 5 kg, recevez un deuxième colis identique gratuit. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa. falta que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. El Corazon, c'était Enrique Iglesias. On part sur les routes, Jean-Marc Strel avec cette question. Comment ça se passe de votre côté? Écoutez, ça se passe bien aujourd'hui, ça se passait déjà moins bien hier, ça se passera pas bien demain parce qu'il y a une manifestation dès 8h30 dans Bruxelles sur l'Esplanade, près de la gare du Nord. Mais pour l'instant, la circulation intérieure du ring, il y a quelques ralentissements autour de Grimbergen vers Zaventem et un accident sur le 19 Bruxelles-Anvers à hauteur de Malines Nord avec quelques fils qui se sont formés en direction d'Anvers. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h29, place au journal de la Conso. On ouvre les journaux du groupe Sud Presse et on apprend que les automobilistes bruxellois ne sont pas de bons élèves en matière de contrôle technique, Sophie. Oui, 24,34% de certificats rouges sont en tout cas distribués à Bruxelles lors de contrôles techniques. Ça représente tout de même un quart des bruxellois. Les automobilistes se présentent trop souvent en retard, voilà ce qui se passe, ou alors leurs véhicules sont recalés pour divers problèmes techniques. En Wallonie, par contre, on fait un peu mieux puisque moins de 20% des véhicules ont reçu un certificat rouge à l'issue du contrôle technique. Alors, que faire lorsque vous recevez un certificat rouge? Eh bien, vous avez tout simplement 15 jours pour faire réparer vos soucis techniques et vous représenter au contrôle. Cependant, Marie De Backer, porte-parole du COGA, la Fédération des entreprises de contrôle technique, tient tout de même à rappeler qu'il s'agit d'une question de sécurité et qu'il faut donc arrêter de se dire « j'irai plus tard au garage » et en attendant, tant mieux si ça passe au contrôle. Réaction Isabelle. Oui, je dis, que faire quand on est recalé? Non seulement il faut retourner dans les 15 jours, il faut repayer. Oui, c'est ça aussi. Ça fait il mal. Il faut repayer, surtout repayer. Le Belge boit moins de vin français mais opte pour une meilleure qualité, selon une analyse de la dernière heure. L'an dernier, la France a exporté un peu plus d'un milliard de litres de vin dans le monde. Et le vin français reste le favori des Belges, puisqu'en 2015, nous avons consommé 104,65 millions de litres de vin. Alors, les plus consommés, eh bien, ce sont les vins rouges. On observe d'ailleurs une préférence plus marquée en Wallonie et à Bruxelles, où il réalise tout de même plus de 67% des parts de marché en 2015. Et puis d'ailleurs, la Belgique est première sur le podium en termes de destinataire européen de vin de Bordeaux. C'est donc le préféré des Belges. Cependant, on apprend aussi que les importations de vin français chez nous ont diminué de 7% en volume et de 5,6% en valeur, ce qui montre en fait que les vins de meilleure qualité ont été importés depuis la France. Le Belge est donc prêt à payer plus cher, en moyenne entre 4 et 9 euros le litre pour un vin de meilleure qualité. Ouais, mais ça évite la barre dans le crâne le lendemain, hein, c'est intéressant. Et puis on termine avec le journal L'Echo où on parle d'une nouvelle enseigne qui s'appelle Joe and Joy, c'est ça ? Joe and Joe. Ah oui, non, pas confondre avec je... Voilà. Ou Joey peut-être. Je sais pas, enfin bref, c'est quoi cette nouvelle enseigne ? Eh bien oui, parce qu'en fait, les 18-35 ans, en ce moment, ils ont tendance à se détourner des hôtels classiques, souvent pour des raisons financières, et donc à se tourner désormais vers des hébergements bon marché et conviviaux, tels que les Airbnb ou encore le Couchsurfing. Et donc c'est après avoir fait ce constat que le groupe français Accor-Hôtel a décidé de lancer une nouvelle enseigne prénommée Joe & Joey, qui ciblera donc les 18-35 ans. Alors qu'est-ce qu'elle proposera cette nouvelle enseigne ? Eh bien des dortoirs, des chambres, des appartements, mais aussi une cuisine collaborative, un bar, de la restauration, des concerts et cours de yoga. Bref, un genre de super internat où vous pourrez y loger pour un prix qui débutera à 25 euros la nuit. L'ouverture du premier Joe & Joey est prévue en 2018 à Paris, mais le groupe compte tout de même ouvrir 50 établissements d'ici à 2020 en France, en Europe et en Amérique latine. 18-35 ans, mais ça veut dire qu'après 35 ans, tu ne peux plus y aller ? Dehors. Oh mince. Ah ouais, mais non, mais à 25 euros la nuit, non, c'est la cible. Ah, c'est la cible. Ça va. Alors, ça va. Dans un instant, on va aller faire nos courses, mais on aimerait bien que ça ouvre tard, les magasins. Ben oui, voilà, quand on sort du boulot, souvent on arrive, on court, et mince, c'est fermé. Zut, c'est fermé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, des raviolis. On en a marre de manger des raviolis. On en parle après Pierre Rapsat. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Envie de vous balader seul, en famille ou avec vos amis ? Avec l'ADEPS, participez au Super Point Vert le samedi 1er octobre en marge de l'Etias Trophy à Mons. Des marches, des animations sportives et de l'amusement garanti. www.sport-adeps.be avec Vivacité et les éditions de l'avenir. À un moment, notre chien refusait ses croquettes, comme s'il n'avait plus envie de manger. Sur les conseils d'AVV, nous sommes passés à des aliments de qualité. Et hop, il a repris du poil de la bête. Monsieur est plein d'énergie. Oui, oui, je parle de toi. AVV fait grandir depuis 1901. Maintenant, 20% de réduction sur les aliments de qualité pour chiens et chats. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Profitez maintenant de l'action automne. Des milliers de carrelages à petit prix. Point BE. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès ? Oh, c'est top, top, top ! Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore. J'adore. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Tous ces baisers volés, tous ces rêves. Absat, extrait de l'album d'Azibao, sorti en 2001. Les rêves sont en nous, c'est le titre. On n'est pas des pigeons. Bon, ce soir après l'émission télé, rebelote comme chaque jour, je vais devoir me dépêcher parce que je n'aurai que quelques minutes pour faire les courses. Vu à l'heure à laquelle on termine, des fois, ça arrive souvent que ce soit fermé le magasin. Bah oui, parce que si on veut se rendre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les petits commerces, les commerces de proximité, bah, l'heure de fermeture, c'est souvent 18h, 18h30. Donc généralement, le temps de quitter le boulot, eh bien, on arrive devant le commerce en question et mince, on trouve porte close. Et évidemment, on n'est pas les seuls à être confrontés au même problème, Isabelle. Non. Et justement, il y a une étude qui vient d'être réalisée auprès de 1300 consommateurs et plus de la moitié d'entre eux souhaiteraient pouvoir faire son shopping jusque 19h. Un quart aimerait même pouvoir le faire jusque 20h. Pas évident pour les commerçants, ça. Hein. Ben non, on sait quand même que la plupart d'entre eux, ben, ils ouvrent vers 10h. S'ils ne ferment qu'à 20h, par exemple, ça fait quand même de fameuses journées. Hein, parce qu'il y a tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après aussi quand on a fermé. Mais rien ne leur interdit de le faire. J'ai été regarder la législation. Les heures de fermeture sont les suivantes, c'est avant 5h du matin et après 20h, sauf évidemment D'accord. pour les magasins de nuit. Hein. Mais il y a des pays en Europe où les magasins peuvent ouvrir plus tard ? Bah oui, j'ai fait quelques recherches. Par exemple, en Autriche, il semblerait que les magasins ne devraient fermer leurs portes qu'à 21h. Et aux Pays-Bas, par exemple, les magasins pourraient rester ouverts jusqu'à 22h. Bah, si tu termines à 19h, le temps de prendre la bagnole, tracer 2h, tu roules jusqu'aux Pays-Bas et bah tu voilà, vas faire tes voilà courses. La solution. Mais voilà, le Belge n'en demande peut-être pas tant de faire tant de kilomètres, mais rester ouvert jusqu'à 18h, voire 20h, est-ce réaliste ? On en parle avec vous, Jean-François Dondelet, bonjour. Vous êtes le porte-parole du syndicat des indépendants et des PME. Est-ce qu'on peut imaginer des commerces qui ne fermeraient pas leurs portes avant 19h, 20h ? C'est possible, ça ? Je vous entends très mal. Hein. Ben, écoutez, le principal, c'est que vous nous entendiez. Mais est-ce que, pour vous, les commerces qui ferment leurs portes à 19h ou à 20h, c'est réalisable ? Écoutez, il y a déjà de ça quelques années, il y a eu une volonté politique d'allonger en tout cas la plage d'ouverture jusqu'à 22h. Il faut savoir que voilà, parmi les commerçants, le sentiment est relativement mitigé. Hein. Donc il y a certains commerçants seraient pour, dans le sens où on voit de plus en plus l'émergence du commerce en ligne qui fait véritablement une mauvaise concurrence au commerce de détail. Donc, une partie des commerçants ne serait pas contre l'ouverture à des plages horaires beaucoup plus larges. Mais il faut savoir que pas mal d'enquêtes ont été menées et il ressort de ces enquêtes que c'est pas parce que vous ouvrez jusqu'à 10h du soir que votre chiffre d'affaires va augmenter, quoi. Donc, vous allez devoir certainement engager et payer des heures supplémentaires en personnel. Vous allez avoir des coûts supplémentaires parce que vous allez ouvrir plus tard et votre commerce ne va pas nécessairement s'en trouver plus bénéficiaire suite à l'ouverture de quelques heures supplémentaires. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une bonne façon de concurrencer les grandes surfaces qui, elles, sont ouvertes facilement jusqu'à 20h, le vendredi 21h. Donc est-ce que Oui, si on a introduit alors une dérogation pour le commerce de détail en permettant justement qu'il puisse ouvrir plus tard, il faut évidemment alors cadenasser les choses et faire en sorte que le commerce, les grandes surfaces ne puissent pas, elles, de leur côté, également bénéficier de ces plages d'ouverture plus larges. Oui, sinon c'est un peu la course à l'infini en la matière. Mais ça a toujours été comme ça en Belgique. Moi, je me suis demandé, tiens, on a toujours fermé vers 18h, 18h30. J'ai pas compris votre question, pardon. Est-ce que ça a toujours été comme ça en Belgique? Est-ce que de tout temps, les magasins ont fermé plutôt vers 18h, 18h30? Non. Historiquement, quand on regarde dans le passé, la liberté était de mise. Hein. Donc les commerçants avaient la possibilité d'ouvrir comme bon leur semblait à l'heure et de fermer à l'heure qui leur convenait. Et on s'est rendu compte que justement, il fallait cadenasser les choses, il fallait impérativement mettre des limites parce que justement le problème de la concurrence s'installait. Quand vous avez votre voisin qui ouvre jusqu'à 9h et que vous fermez à 7h, vous vous rendez bien compte que ça instaurait un certain malaise et on a décidé de cadenasser les choses et en tout cas de prévoir une heure de fermeture. Alors ce débat sur les heures d'ouverture des magasins, ça relance inévitablement cette fameuse question de l'ouverture le dimanche. Et dans la même enquête, on nous dit que 52% des consommateurs souhaitent faire des achats le dimanche. Alors est-ce qu'on doit répondre nécessairement à cette demande ? Ça dépend, parce que la situation n'est pas la même pour tous. On a des petits commerces qui évidemment fonctionnent sur un effectif réduit, avec peu de personnel, et ils ne savent pas nécessairement répondre à cette attente. Et ce seront eux principalement qui seront les grands perdants de l'ouverture le dimanche. Parce que ça implique des charges supplémentaires, que ce soit en personnel, en chauffage, en électricité. Donc voilà, il y a toute une série de répercussions qui ne sont pas bien comprises par tous et qui ne feront pas le jeu des petits commerçants principalement. Donc voilà, l'ouverture le dimanche certainement, mais pas de manière généralisée et de manière trop libéralisée. Merci Jean-François Dondelet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat des indépendants et des PME. Dans un instant, fan d'Internet que vous êtes, de Google ou de Facebook, vous croyez qu'on sait déjà beaucoup de choses sur vous? Évidemment qu'ils savent déjà beaucoup de choses sur vous. Mais à ce point-là, Olivier Bogart, ça va être la surprise. Ça va être une grosse surprise. On en parle après, Imani. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. 3 délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de nouvel an. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. Electro dépôt. Ça y est, c'est ouvert à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie Anspach. 2 jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez, car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, Anspach Shopping. Anspach, the new place to live and shop. Ceci est un message pour les professionnels du secteur HoReCa. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love HoReCa, le salon professionnel HoReCa à Tours et Taxi. I Love HoReCa, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love HoReCa, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à iloveHoReCa.be. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Imani sur Vivacité avec Don't Be So Shy. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Alors on le sait, notre activité sur Internet intéresse les grandes entreprises qui nous y fournissent un service. Voilà. Il est bon de rappeler 2-3 trucs, Olivier Bogart, voilà, spécialiste de l'informatique à la police. Ils nous fournissent un service, ils nous suggèrent des contenus par rapport à nos centres d'intérêt. Ils tiennent compte justement des liens que nous cliquons, des sites que nous visitons. Et ces entreprises, ben, on retrouve notamment Google, on retrouve Facebook, on les consulte au quotidien, ça vous le savez comme moi. Mais ils sont également présents dans nos smartphones et dans nos tablettes, notamment si ceux-ci fonctionnent avec le système d'exploitation Android, qui appartient à Google, ou via l'application de Facebook, par D'accord. exemple. D'accord. Et donc à partir de ces outils, ben, on peut tout savoir sur nous, quoi. Et là, on va être super ravis d'entendre ce que vous allez nous dire. Je vais essayer d'être très concret, effectivement, parce que vous allez pouvoir découvrir une nouvelle fonctionnalité. Je vais commencer par Google, je poursuivrai avec Facebook. En fait, désormais, si vous vous connectez à votre profil en utilisant votre adresse Gmail, vous pouvez accéder à une nouvelle rubrique baptisée « Mon activité ». Elle a été ajoutée par Google il y a quelques semaines. Elle vous permet de découvrir toutes les données que le moteur de recherche a collectées sur vous à partir de l'usage de vos outils numériques. Et vous risquez d'être, comme moi, très surpris par l'étendue des informations collectées. Vous allez ainsi découvrir les commandes vocales que vous avez éventuellement générées dans le moteur de recherche, ou alors vos déplacements. Vous voyez sur une carte tous les endroits où vous avez, que vous avez fréquenté. Mais sérieux ? Comme ça, alors qu'on n'a rien demandé. Oui. Okay. En fait, vous avez deux possibilités. Soit, effectivement, la géolocalisation est activée, mais on a aussi la possibilité, parce que le téléphone est connecté dans les réseaux, que des informations soient échangées avec d'autres applications installées sur votre téléphone. Tout ça s'est croisé et on peut dire que tel jour, vous étiez à tel endroit. Ok, ça, et ça remonte, ça peut remonter ce truc-là. Oui, parce que tout voilà, est classé attention, Annie est inquiète, elle se dit mais... Tout est classé sous la forme d'une ligne du temps qui va vous permettre, par exemple, de retrouver ce que vous faisiez Annie il y a 2 ans. Et donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est que Google vous offre désormais la possibilité d'effacer ces données. Ah. Et il vous propose également de bloquer l'enregistrement de votre activité. Ah. Pour ce faire, quand vous êtes dans cette nouvelle rubrique, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points que vous voyez en haut à droite et vous allez pouvoir désactiver toutes les données que Google enregistre. Mais t'es sûr qu'on les désactive à vie, il n'y a pas moins, elles ne sont pas stockées de manière secrète quelque part. Ah théoriquement, ouais, voilà. Théoriquement, sur base des conditions d'utilisation, non. Mais D'accord. ce qui est vrai, en allant plus loin dans les réglages, vous devez savoir que, sachant que vous ne voulez pas que telle ou telle information soit enregistrée, c'est aussi une manière de vous connaître davantage. Et donc, des informations qui circulent et des conditions d'utilisation, ben Google ne vous cache pas qu'il partagera ça avec des sites tiers de manière à ce que des annonces qui vous arrivent par mail, par exemple, vous ciblent davantage que ce qui s'est arrivé avant. Donc on peut effacer ça sur Google. Maintenant, vous parlez de Facebook aussi. Voilà. Il a aussi mis à jour sa rubrique publicité. Et donc, dans les réglages de votre profil, vous allez la découvrir et vous cliquez sur le petit cadenas en haut à droite de votre profil. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur « Plus de paramètres ». Et arrivé sur la page, vous allez vous rendre dans la rubrique publicité, vous découvrez vos centres d'intérêt tels que Facebook a pu les analyser. Et il a compris que vous travaillez dans le numérique. Ah ça, je peux vous dire. On le verra ce soir en télévision parce que j'ai fait des captures d'écran et il connaît très bien mes habitudes. Il sait, par exemple, ce qui est paradoxal, bon, j'ai un intérêt pour Linux, qui est un système d'exploitation tiers, je n'ai jamais, à ma connaissance, cliqué sur des liens au niveau de Facebook par rapport à Linux. Mais Facebook sait quand même que ça m'intéresse parce que, vraisemblablement, en voyageant sur d'autres sites qui parlent de Linux, il y a le petit icône de Facebook qui a échangé des informations et qui sait que je suis passé par là. C'est dingue. Donc, partout où on va, on peut retracer ça et on peut l'effacer aussi maintenant là sur Facebook. Alors, on peut aller, c'est un peu plus compliqué, mais quand vous êtes sur votre profil Facebook, vous pouvez à ce moment-là aller voir vos préférences et vous pouvez décocher chacune des cases qui s'offrent à vous. Bon, maintenant, là aussi, pour Facebook, ça lui offre la possibilité de vous connaître un peu mieux et vous aurez des suggestions qui tiendront compte des éléments. Bon, je suis par exemple amateur de Pink Floyd. Oui. J'ai peut-être bien cliqué une ou deux fois sur quelque chose, mais j'ai régulièrement désormais une publicité D'accord. d'une société britannique qui me propose des t-shirts avec le logo de Pink Floyd. D'accord. Alors, ce qui est dingue aussi, c'est qu'on le verra ce soir à la télé. Vous êtes baladé dimanche dernier, je pense, et au final... Je suis venu participer à l'émission Les décodeurs de l'info d'Alain Gerlache. Ouais. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai regardé les réglages de Google. Et Google m'a vu partir de chez moi, marque que je suis arrivé à la RTBF et qu'en plus, après, je suis allé faire mon marché. Ouais. C'est hallucinant. Je pense que cet article, on va le mettre sur Facebook et sur Google et sur le site internet. Ce soir, il sera bien liké. Si vous voulez désactiver tout ça, rendez-vous ce soir, évidemment, à la télé à partir de 18h30. En attendant, c'est Emmanuel Moire. Emmanuel Moire sur Vivacité avec le titre Bienvenue dans quelques instants, les infos de midi. Je n'ai plus rien à faire à part te garder inondé de lumière, toi mon invité. Je n'ai plus qu'à te suivre, à toi de placer pièce d'or ou de cuivre ton soleil d'été. Je la fonte, ton heure sur ma montre est venue, bienvenue. Plus rien ne compte depuis la rencontre, je ne veux rien de plus. L'honneur ou la honte, des doigts je te montre, ton étoile apparue, bienvenue. Était-ce un jour en décembre? Est-ce un soir de juillet? Si on te le demande, tu peux l'inventer. Était-ce à toi de m'attendre? Était-ce à moi de rappeler qui de nous deux va commencer? Était-ce dehors ou ta chambre? Était-ce ta porte, ton idée? Fais-tu semblant d'avoir oublié? Était-ce à toi les mots tendres? Était-ce à moi d'embrasser la première fois? N'oubliez pas les amis qu'on vous pose une question sur la page Facebook. Êtes-vous pour ou contre les commerces qui ouvrent tard le soir? Sophie, il y a déjà pas mal de réactions. Oui quand même, sur Facebook vous êtes nombreux à réagir. Alors ici j'ai Céline, ma page ne s'ouvre pas. Ah ben voilà, le problème de... voilà. Google s'est emparé de vos données, voilà, et va Virginie, les distribuer ce soir. Je pense que les commerçants, les vendeurs ont aussi droit à un week-end avec leur famille. La vie sociale et familiale est importante pour l'épanouissement. C'est continuez évidemment à réagir sur la page Facebook, on vous lira plus longuement tout à l'heure. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Yeah.

Une pluie d'hommage aujourd'hui après l'annonce du décès de Shimon Peres. Il est mort cette nuit à l'âge de 93 ans. Il était une des personnalités majeures de l'histoire d'Israël. Sa carrière politique s'étale sur presque 70 ans. Il a été deux fois Premier ministre, une fois président et aussi prix Nobel de la paix en 1994 pour sa contribution aux accords d'Oslo, ces accords historiques entre Israël et l'Organisation de libération de Palestine. Alors des hommages des quatre coins de la planète, de chez nous aussi, Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Je crois que c'est un artisan de paix qui nous a quittés. C'est finalement une page assez extraordinaire de l'histoire d'Israël qui se tourne. On a toujours eu de très bons contacts avec Shimon Peres, et surtout parce qu'il voulait à tout moment tenter de relancer une démarche de négociation ou une tentative de paix avec les Palestiniens. Je pense que même si à certains moments il a eu des positions parfois très dures aussi, on a vraiment eu affaire à un homme d'État qui a chaque fois cherché de dépasser les intérêts exclusivement précis d'Israël pour aller vers l'autre. Didier Reynders au micro de Pierre Magos. Alors beaucoup d'hommages, mais aussi des critiques. La première vient du monde arabe, du Hamas islamiste qui contrôle la bande de Gaza. Le Hamas parle de Shimon Peres en tant que criminel et se dit heureux de sa mort. Les funérailles de Shimon Peres, ça sera normalement vendredi à Jérusalem. En sport du football, quelques Belges sur le terrain en Ligue des Champions ce soir, notamment Yannick Ferreira-Carrasco avec l'Atlético Madrid face au Bayern Munich, ou encore Dries Mertens à Naples qui reçoit le Benfica. En tennis, du changement dans l'équipe de Fed Cup, Dominique Monami succède à Anne De Vries en tant que capitaine de l'équipe belge. Ancienne 9e mondiale, Dominique Monami garde de très bons souvenirs de la Fed Cup en tant que joueuse. Son premier rendez-vous en tant que capitaine, cette fois, ça sera les 11 et 12 février prochains contre la Roumanie. L'objectif, le retour dans le groupe mondial. RTBF Mobile Info avec vous, Jean-Marc Strel, et la situation est toujours très calme. Oui, très calme, ça change un peu d'hier et certainement de demain avec une manifestation prévue dans Bruxelles. Il va y avoir des problèmes dès 8h30, rassemblement qui se fera sur l'esplanade près de la gare du Nord. Nous vous tiendrons informés évidemment tout au long de la journée, mais pour l'heure, il n'y a qu'une info, c'est un véhicule en panne à Bruxelles, justement dans le tunnel botanique. La bande droite est neutralisée en direction du Midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons sur Vivacité avec Sébastien Nolvo et l'équipe. Encore pendant une heure, merci Justine. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Vivacité. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Nous sommes mercredi, le jour des enfants. C'est pour ça que Tom nous a rejoint pour nous parler d'une application de jeunes. Des applications comme tous les mercredis, utile, pas utile. Allez, l'utile du jour, c'est quoi? Allez, l'utile du jour, vous savez que c'est la journée mondiale contre la rage. Ah ben évidemment. On va parler vaccination avec mesvaccins.net. D'accord. Sylvie va bientôt partir en Espagne pour quelques semaines avec son mari et elle a l'intention d'emporter quelques cigarettes avec elle. Mais quelle est la limite pour pouvoir passer la douane? Annie, est-ce que vous avez la réponse? C'est-à-dire que oui, j'ai une réponse. Mais elle a reçu une réponse des douanes belges qui était un peu curieuse parce qu'en fait, pour aller en Espagne en partant de Belgique, on passe par la France souvent. Logique. Ben voilà. Et donc, en Belgique, on lui dit « Ben écoutez, nous, on ne sait pas vous répondre. Combien de cigarettes vous devez vous adresser à la douane française et à la douane espagnole ?» D'accord. On va manger des biscuits aussi. Plein de biscuits, mais c'est pour la bonne cause, Isabelle. Eh oui, on va parler des biscuits de l'Acre. Hein. Vous connaissez toujours la belle boîte de biscuits de l'Acre. Avec le roi et la reine dessus. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est pas ça. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour une association qui vient en aide aux petites filles cambodgiennes. D'accord. Et puis, on rappelle la question sur la page Facebook, Sophie. Est-ce que vous voudriez que les magasins soient ouverts et ce, jusqu'à quelle heure? Et le week-end aussi, donc le dimanche. Si oui, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook ou alors via le SMS au 3063, 50 centimes le message. Et on n'oublie pas la musique. La musique du groupe LP notamment, il y aura Olivier Dion aussi. Si vous passez à table, toute l'équipe vous souhaite un excellent appétit. C'est Vivacité, c'est On n'est pas les pigeons, jusqu'à 13h. Thank you. down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, the thing that's dangerous. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Ça, c'est pour les doigts et les manettes. Et puis Sam Martin, ça c'est pour la voix, parce que David Guetta, il ne chante pas, évidemment. Hein, il faut quelqu'un d'autre toujours avec lui. C'était Dangerous, le titre. On n'est pas des pigeons. Et alors, Isabelle, moi je vous dis merci, c'est super sympa. Vous avez amené des biscuits. Et alors, pas une petite boîte, hein, la grosse boîte d'un kilo, carrément. Ah, ça, j'ai pas lésiné sur la dépense. Je vois plein de sourires autour de moi. On est content. J'en reprends un, tiens. Allez, vous allez parler la bouche pleine. Attends, je le prends. Ce sont les fameux biscuits de l'Agre. Et quand ils sortent la grosse boîte d'un kilo, généralement, c'est quoi sur la boîte? C'est une grosse occasion, c'est-à-dire c'est la photo de la famille royale. Voilà, on est plutôt habitué à ça. Et là, pas du tout. Vous voyez la boîte, moi j'ai choisi la boîte rose et bleue, voilà, ça me correspondait. Elle est jolie. Hein. Elle est très belle, hein. Donc autour du monde. C'est une boîte qui a été signée par le créateur français Ben Simon, comme c'est écrit dessus. Je sais pas, vous vous souvenez dans les années 80, pour les plus âgés d'entre nous, la petite basket Ben Simon? Absolument pas. Ah, mais on avait tous ça, Jane Birkin en portait, voilà. Et donc, mais Manine ne se souvient pas, hein, donc je sais, j'ai rien, mais... Bon, elle portait pas de basket. Annie qui ne réagit pas parce qu'elle a la bouche pleine. Exactement. Empiffrée de biscuits. Bon, oui. Alors, on revient sur cette collaboration entre un créateur et la maison de l'Ag. Je suppose qu'elle s'est faite dans un but assez précis. Tout à fait, on ne peut rien vous cacher, Sébastien. Et donc, voilà, cette association, eh bien, c'est pour soutenir une association qui s'appelle Toutes à l'école. C'est une association qui vient en aide à la scolarisation de petites filles cambodgiennes défavorisées. On en parle avec Julie Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable marketing de Delacre en France et en Belgique. Pourquoi soutenir cette association-là? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, juste pour vous donner la mission de l'association, c'est de développer la scolarisation de haut niveau pour les petites filles défavorisées cambodgiennes grâce à l'école pilote qui s'appelle Happy Chandara et qui a été créée en 2006 par l'association Toutes à l'école à côté de Phnom Penh. Pourquoi on a choisi cette association? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, Delacre, c'est lié à l'univers de la famille. C'est le partage d'expériences, le partage de savoir-faire depuis maintenant 125 ans. Et donc, c'était tout naturel pour nous de choisir de soutenir une association en faveur de l'enfance et de l'éducation. Et c'est la première fois que Delacre soutient cette association-là, de cette façon-là ? Non, alors ça fait 5 ans qu'on soutient Toutes à l'école, créé par Tina Kiefer. Et depuis 5 ans, nous la soutenons de différentes manières, sachant qu'il y a 3 ans, on a eu l'idée avec l'association de développer des éditions limitées, redesignées par des créateurs de renom. Et donc cette année, comme vous le disiez, c'est Serge Ben-Simon qui a redesigné nos boîtes et imaginé la collection Autour du Monde, qui est le thème aussi de Ben-Simon depuis plus de 30 ans maintenant. Et je crois que vous avez eu aussi Christian Lacroix, par exemple. Oui, on a eu Christian Lacroix. Et ces boîtes-là, parce que je vous avoue, je ne m'en souviens pas, ces boîtes-là, on les trouvait aussi en Belgique ou c'est la première fois qu'on trouve ce style de boîte-là en Belgique ? C'est la première fois qu'on trouve ce style de boîte-là en Belgique pour, en faveur de l'association. Et alors, cette boîte qui est très belle, hein, je trouve, vraiment, est-ce qu'elle coûte finalement le même prix qu'une autre, qu'une autre boîte d'un kilo de biscuits de Lacre ? Oui, alors elle coûte le même prix que nos autres éditions limitées en termes de prix recommandé. Mm-hmm. Donc oui. Voilà, moi personnellement, j'ai payé 11,99 €, mais bon, il y a quand même un kilo de biscuits. Et c'est une édition limitée. Ça veut dire que, par exemple, pour nous en Belgique, vous pouvez me dire combien de boîtes on va trouver chez nous ? 3. Et je les ai toutes achetées. Environ, on en a à peu près 20 000 qui vont être distribués en Belgique, dans presque toutes les enseignes en Belgique, et ce à compter de mi-septembre. Jusqu'à pendant encore un bon mois, un mois et demi en fonction des enseignes. Et alors, avec cette action-là, vous vous engagez à verser une somme bien précise à l'association ou bien ça dépendra du nombre de boîtes que vous vendez ? Non, on s'engage à verser une somme bien précise. En 2016, on a décidé d'ailleurs augmenter notre participation et notre donation en faveur de Toutes à l'école et nous nous engageons à reverser 100 000 euros à l'association. Eh bien, mangeons des biscuits. Mangeons des biscuits, c'est pour la bonne cause. C'est des biscuits de Lacre. Alors, Julie, Pierre, tant que je vous ai en ligne, on est d'accord qu'à la fin de l'année, il y a le roi et la reine qui reviennent sur les boîtes. Hein. Parce que sinon, je ne sais pas quoi je vais offrir à ma maman. Oui, ils reviennent en juin de 2017, comme chaque année sur la période de juin. Ah, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Merci. Et effectivement, mangez des biscuits avec modération. Mais on va quand même achever la boîte. Si, elle est ouverte. Hein. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». T'es canon ou quelle biche ? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrais un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Les festivals de l'été, c'est micro, trémolo, dodo. Mais le prochain festival, c'est macro, bravo, promo. Jusqu'au 18 octobre, au Festival de Macro, vous goûtez des petits plats spéciaux, vous découvrez des produits originaux, vous recevez même 2 produits pour le prix d'un cadeau. Mais surtout, vous profitez de promos mégalo, comme ce Lazy Spa à seulement 355 euros. Vous aurez de la place pour vous détendre, il peut contenir jusqu'à 800 litres d'eau. Le Festival de Macro, c'est vendredi et samedi chez Macro. À bientôt. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%, 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Psst, encore un mot. Ce vendredi 30 septembre, vous êtes les bienvenus jusqu'à 23h chez Macro. Regardez vite sur macro.be comment recevoir un dîner gratuit dans notre resto. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivée devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Vivacité présente. Dis maman, ce week-end, on va au Jardin des Wyrs ? Tu veux dire des Vières ? Ah bon, tu crois ? Oh oui, ce week-end au Jardin des Vières, c'est la fête des plantes et du Jardin de l'Âne. 200 professionnels belges et étrangers proposent leurs plus beaux produits et partagent leur passion de la nature. C'est 30 septembre, 1er et 2 octobre, fête des plantes et du Jardin à l'Âne, à deux pas de Russel. Chou, le plombier est là ! C'est le menuisier ? Le carreleur est aussi arrivé ? Eh ben voilà déjà le peintre! À Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. LP sur Vivacité avec le titre Lost on You. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Mercredi, jour des enfants, je le disais tout à l'heure. Et les enfants, ils jouent avec quoi aujourd'hui les enfants? Ils jouent avec des tablettes, ils jouent avec des smartphones et des applications. Heureusement que Tom est là pour faire un peu le tri pour nous dans tout ça. Et comme chaque mercredi, on va piocher quelques applications que vous avez repérées pour nous. On commence par quoi? Il n'y a pas que des applis inutiles, hein, Sébastien. Ah mais j'espère bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la rage, je vous l'ai dit. Joie, bonheur, c'est la fête. Heureusement, ce fléau n'est plus au cœur de l'actualité en Europe, mais cette journée, elle garde toute son importance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 60 000 personnes qui décèdent de la rage chaque année, en majorité mordues par des chiens contaminés. Il y a encore une centaine de pays dans lesquels la rage est encore présente. Et la solution, c'est la vaccination. La vaccination à grande échelle. Et là, on va revenir à quelque chose de plus terre à terre, à titre personnel, au niveau individuel, quand on doit se faire vacciner, il faut bien gérer ses vaccins. Ah ouais, parce avec que généralement, le médecin il te demande, c'était quand le rappel, tu dis ok. Et on oublie, et on n'y va pas. Et heureusement que le médecin nous rappelle ou qu'on retombe sur le carnet de vaccination, heureusement, il y a l'application mesvaccins.net, Sébastien. Ok, alors concrètement, on fait quoi avec cette appli? Mais en fait, c'est un peu le premier carnet de vaccination électronique intelligent. C'est partagé, c'est sécurisé, c'est pour iPhone. Il permet d'enregistrer, enfin l'application permet d'enregistrer tous vos vaccins et de savoir immédiatement contre quelle maladie vous devez être protégé. Alors très concrètement, si on ouvre l'application, on voit qu'il y a trois parties. Il y a les vaccins faits, les vaccins à faire et les profils santé. Mmh. Alors quand on s'inscrit dans l'application, on doit faire son profil santé, c'est-à-dire qu'on doit remplir tout un questionnaire. Ça prend quand même quelques minutes parce que c'est très précis. On va nous demander nos antécédents de maladies infectieuses, la varicelle, la rougeole, les infections pulmonaires. On va demander toute une série d'informations générales, l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, toutes les allergies qu'on peut avoir, les cicatrices. Enfin, c'est assez précis. Et sur base de toutes ces informations qu'on va donner à l'application, l'application, elle va établir un profil santé qui va permettre de nous orienter. Alors, ce n'est pas un médecin l'application, mais l'application va nous orienter vers les vaccins qu'on doit faire, qu'on est en tout cas susceptible d'avoir besoin. Donc on a tous les vaccins qui sont faits, on les encode au fur et à mesure dans l'application et l'intérêt c'est aussi que l'application va nous envoyer des notifications. Pour les refaire. Pour nous rappeler, n'oubliez pas d'actualiser tel vaccin, n'oubliez pas de faire celui-là. D'accord. Tiens, on a repéré dans votre profil que vous seriez peut-être sensible à telle problématique et vous devriez faire tel vaccin et l'application va vous conseiller. Ce qui est génial c'est qu'Isabelle elle se balade avec son carnet de vaccination sur elle, elle l'a sorti de son sac, c'est impressionnant. Du coup je l'ai sorti et du coup... Mais... C'est pas parce qu'il est dans mon sac que je le regarde. Et donc, je vois que pour un vaccin, il est mis « Prochaine vaccination prévue, janvier 94 ». Je crois que j'ai oublié. C'est uniquement pour smartphone, cette application ? Mais non, c'est ça qui est chouette. Si vous êtes encore adepte du papier, en fait... l'application, c'est le prolongement d'un site internet sur lequel on va retrouver toutes les informations par rapport au vaccin, sur lequel on va retrouver les mêmes fonctionnalités que l'application. Si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas de smartphone ou de tablette, vous vous inscrivez sur mesvaccins.net, c'est le même principe et ça va faire la même chose. C'est génial. Ça vous enverra pas vos notifications, ça vous enverra un email. Et si vous êtes encore adepte du papier comme Isabelle, vous pouvez imprimer tous les calendriers de vaccination et toutes les informations nécessaires. Ça c'est beau, ça, au-dessus de ton frigo, voilà. Au côté dans la cuisine. Dans mon sac à main, oui, ça prend un peu plus de place. Il est joli en plus. C'est gratuit cette application. C'est totalement gratuit. Malheureusement, c'est disponible. L'application n'est disponible que sur les iPhones. Mais si vous êtes sur Android, vous pouvez utiliser la version mobile du site mesvaccins.net. Donc ça fonctionne à peu près de la même manière. Et si vous voulez plus d'informations sur la vaccination en Belgique, c'est vaccination-info.be. Eh bien, écoutez, voilà une application intelligente et utile. On en reparle ce soir à la télé. Avec d'autres applis. Mais oui, parce que celle-là, elle est utile. Il y a bien un truc qui ne sert à rien qu'on nous présentera tout à l'heure. Promis, ça concerne quoi ? Ça concerne des selfies. D'accord. Bon, déjà, c'est inutile à la base, le selfie. Donc, une application encore moins utile, ça va être bien. Ça va être bien. De temps en temps, je craque sous le poids de l'espérance. Je vais parfois à contresens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien, je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur, je suis le fil de mes erreurs, et très souvent, je me relève sous ton regard. Des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je plie sous le poids du sort et des souffrances collée au corps. De temps en temps, je prends des coups dans le dos, des conneries, des jeux de mots. De temps en temps, je regrette l'innocence qu'on peut avoir dans notre enfance. De temps en temps, je veux la paix. Pour moi, je n'ai plus de respect. Et très souvent, je me relève sous regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je pense à toi. Au fond, ce que j'attends, c'est voir le bout.

je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie, on ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Je sais que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis, les trois mousquetaires. C'était Olivier Dillon avec De mes propres ailes. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Tout à l'heure, on avait une auditrice qui annulait ses vacances. Ici, nous avons une autre auditrice, Sylvie, bonjour. Sylvie, bonjour. Sylvie, êtes-vous là? Sylvie, est-elle là? Oui, je vous entends. Ah, Sylvie, là. Vous voulez partir en Espagne. Voilà, c'est ça, oui. Avec votre mari, et vous avez l'intention d'emporter des cigarettes? Ben oui, parce qu'on a l'habitude de les rouler nous-mêmes. Oui. Et donc, ben voilà, je voulais prendre mes cigarettes avec en Espagne, en sachant qu'on traverse donc la France, et ensuite on arrive en Espagne, et oui, j'aurais voulu savoir la quantité qu'on pouvait prendre avec. Question que vous avez posée à la douane. Oui, voilà, j'ai écrit un mail aux douanes belges. Oui, ils vous ont répondu quoi? Qui ne pouvait pas me répondre, que je devais contacter les douanes françaises et les douanes espagnoles. Vous avez envoyé un mail un vendredi à 16h ou quoi? C'est, non, c'est rien à voir. Je ne sais pas. Bon, étrange oui, comme c'est réponse. C'est étrange, et figurez-vous que je ne croyais pas Sylvie, donc je vous ai demandé, Sylvie, de m'envoyer les mails, et je vous assure, c'est vrai, la réponse de la douane, c'est « Madame, vous devez vous adresser à la douane française et espagnole ». Alors, dites-moi si je me trompe. L'Union européenne, ça leur dit vaguement un truc? Il doit y avoir une réglementation, peut-être. On devrait peut-être leur donner des cours de géographie ou d'économie politique, parce que quand même, c'est un peu curieux. Et donc, je me dis, mais comment ça se fait quand, effectivement, il y a des limites. C'est vrai qu'on ne peut pas dépasser certaines limites de cigarettes en sachet, en boîte. Mais vos cigarettes ici, Sylvie, vous les roulez. Non, elle veut juste aller se les rouler en Espagne. Oui, ça, on a bien compris. Mais à part rouler, vous voulez prendre combien de cigarettes roulées? Vous avez l'habitude d'en consommer. Oui, vous êtes une grosse consommatrice. Vous avez quoi prendre à millier? J'avais l'intention d'en prendre 1600. 1600 par personne? Non, pour nous deux. Et vous partez combien d'années? Sept semaines. Ah, vous êtes une grosse consommatrice. Vous savez que le tabac, c'est pas bon pour la santé, hein. On le rappelle au passage. Oui. Voilà. Bon, maintenant que vous êtes au courant. Bon. Donc ça fait quand même 1600, ça fait 800 cigarettes roulées. Oui. Attention parce que c'est pas la même chose que des cigarettes achetées en paquet. Et comme on est dans le cadre de l'Union européenne, qui dit Europe dit Centre européen des consommateurs, on appelle tout de suite. On a William Madgen en ligne, juriste au Centre européen des consommateurs. William, vous pouvez répondre à la question de Sylvie? Oui, mais tout à fait. Donc les règles sont fixées au niveau européen, qui prévoit toute une série de seuils. Alors, toute personne qui transporte du tabac au sein de l'Union européenne peut transporter jusqu'à 800 cigarettes, 400 cigarios, 200 cigares et jusqu'à 1 kg de tabac, sachant que ces limites sont cumulatives. En fait, la loi considère que si on respecte ces seuils, on est considéré comme transportant ces marchandises à des fins privées et qu'on ne doit donc pas payer d'autres taxes que celles qu'on a payées au moment de l'achat. Vous pouvez donner un cours aux douanes? Vous pouvez envoyer cette info-là aux douanes, ce serait cool. Allez, une question. On transfera peut-être. ça veut dire 1 kg de tabac roulé, ça fait combien de cigarettes? Ah ben là, c'est une colle, je ne saurais pas et du Sylvie, tout. Et Sylvie, vous faites vous combien répondre. De cigarettes dans un tabac, dans un paquet de tabac? Vous devez calculer comme ça. Avec une boîte de 385 grammes, à peu près 600, 700, ça dépend de la quantité qu'on met dans la cigarette. D'accord. Ben voilà, donc vous êtes largement... Au-dessus. Non. Oui, non, vous êtes largement cigarettes. Dans les limites. Je suis dans les limites, oui. Exactement. Alors, la question qui se posait, William, et je vous ai aussi transféré le mail, c'est un peu interpellant, c'est la réponse de la douane belge, qui dit, adressez-vous à la douane française et à la douane espagnole. Pourquoi les pays peuvent prendre d'autres dispositions? Il faut savoir qu'ici, les seuils donnés sont des seuils minimums, donc chaque État membre peut décider de réélever ces seuils, ils ne peuvent pas aller en dessous par contre. Mais là j'ai vérifié, pour l'Espagne, les chiffres sont totalement les mêmes, donc on reste dans les mêmes gammes, à savoir 1 kg de tabac à rouler. Et pour la France? Pour la France, je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être la même chose. D'accord. Okay. Et donc la France a un petit peu modifié, en tout cas au niveau des paquets de tabac, des paquets de cigarettes. Avant, on pouvait prendre 10 cartouches de cigarettes et on a baissé de 10 à 4, mais des cartouches de cigarettes, on n'est pas dans le cadre du tabac roulé. Donc Sylvie, d'après ce que vous nous avez expliqué, vous faites le calcul du poids du paquet de tabac et du nombre de cigarettes roulées, puis vous essayez de ne pas dépasser le kilo de tabac. Et moi, j'ai fait un autre calcul à raison de 30 secondes pour rouler une cigarette. Vous en roulez 1600, ça fait 48 000 secondes, 800 minutes, 13 heures. Vous allez mettre plus de 13 heures à rouler toutes vos cigarettes. Heureusement que vous partez cette semaine, parce que ça fait une journée entière de visite à consacrer à rouler des cigarettes. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Sylvie? Oui, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Voilà, le principal, c'est une auditrice contente. Si vous avez d'autres choses à nous dire, si vous avez d'autres questions que les douanes ne peuvent pas résoudre, par exemple, ou si c'est un entrepreneur qui ne répond pas, ou si c'est un service après-vente qui fait défaut, Sophie, on rappelle les différents moyens pour joindre la rédaction. Oui, ça se passe via la page Facebook On n'est pas des pigeons, ou alors par SMS au 3063. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur notre boîte mail à pigeons@rtbf.be ou enfin sur le répondeur au 070 222 660. Sophie, vous parlez de la page Facebook, on vous a posé une question. Si les commerces ouvrent plus tard, genre le commerce de proximité, jusque 19-20 heures, est-ce que ça vous arrange? Tout ça, on vous lit dans quelques minutes. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Abracadabra, c'est moi, Hip. Découvrez maintenant plus de 100 offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Et réalisez des économies hallucinantes. Comme le roast beef blanc bleu belge à seulement, bam, 10 euros le kilo. Attention, cette offre géniale est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi? Il y a un château aussi? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/kortenberg. Hey, MyWay.

Si vous avez des coups de gueule, si vous voulez réagir et répondre aux coups de gueule d'Amandine, n'hésitez pas, c'est sur Facebook que ça se passe. Vous pouvez aussi envoyer un mail à pigeon@rtbf.be. Les numéros de téléphone, c'est bête, mais j'arrive jamais à les retenir. Donc Sophie... C'est tout simplement sur le répondeur au 070 222 660 ou par SMS au 3063 à 50 centimes le message. Prochain rendez-vous avec toute la rédaction d'On n'est pas des pigeons, c'est ce soir sur la Une Télé à partir de 18h30. Et la vie du bon côté va passer l'après-midi en cuisine, c'est ouais, ça Sylvie? C'est absolument ça, ne partez pas tout de suite. Nous avons des questions à vous poser. Allez-y. Sur votre cuisine, sur l'aménagement de votre cuisine. Annie de Teux, bonjour. Bonjour. Allez, demandez-lui. Alors, est-ce que vous cuisinez souvent chez vous? Je ne fais que ça. Oh, j'ai inventé le concept. Envoyez-moi des photos de votre cuisine. Je cuisine chez moi.be. Est-ce que vous avez un îlot central? Non, j'ai pas un îlot central. Oh, quel homme heureux. Est-ce que votre évier est situé à gauche en rentrant dans la pièce ou à droite? Il est situé à droite en rentrant dans la pièce. Ah, c'est quoi le Vous m'enverrez une photo, je vous dirai. Est-ce que c'est un frigo américain? C'est pas un frigo américain. C'est un frigo intégré. Oui, c'est ça. Bien, un homme chaud du cœur. Est-ce que votre évier est le long d'un mur? L'évier est le long d'un mur face à une baie vitrée qui donne sur le jardin. Oh, c'est magnifique. Et en plus, il fait la vaisselle en regardant la verdure. Ça, c'est déjà un bon point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui fait la vaisselle en regardant la verdure. Non, j'espère. Ça veut dire quoi? Non, je blague, Sylvie. Ah, c'est bon. Ok. Parfois, j'ai l'impression qu'elle. En fait, j'ai l'impression qu'elle parle tout le temps sérieusement, mais je pense qu'elle se fout un peu de moi, vous voyez? Légèrement. Mais de vous aussi. Ça va durer deux heures. Hein. Vous pouvez venir hein, si vous voulez. Ça va. Bon, on lui fait le plan tout de suite. Ça va du côté combien, alors, son plan de la cuisine? Oh, ben, il nous invitera au restaurant, quoi. Oui. Maintenant, il cuisine chez lui. Non, mais je n'y crois pas. Mais si, vous devriez. En fait, c'est ça. Elle se dit que comme vous lui mentez depuis une minute, elle fait pareil. Ah mais non, je mens pas. Non, je mens pas du tout. Hein, mais je mens vraiment non, pas. Non, mais je pense qu'il est vrai. Hein. Oui, peut-être. Il n'a pas la tête, je sais. Non, peut-être, oui. Mais on s'en fout qu'il n'ait pas la tête. Alors, il cuisine chez lui. Il prouve ça, il nous amène un petit plat la prochaine fois. Bon, allez, on vous laisse, évidemment, aller peut-être profiter d'un petit moment détente à table. Bon, on va parler, c'est sérieux en plus. Oui, hein. Maintenant, c'est sérieux. On va être vraiment sérieuse. Oui. Annie de Teux, en tant qu'habitat-thérapeute, vous revenez régulièrement. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'une pièce à la fois, c'est bien. Donc aujourd'hui, c'est que sur la cuisine. Que sur la cuisine. Les personnes peuvent poser toutes leurs questions, alors. Absolument, absolument. Sur la cuisine. Ou aussi témoigner en disant j'ai changé la cuisine depuis que je cuisine moins ou je cuisine plus. Oui. On a changé la cuisine de pièce parce qu'il y a des gens qui font des grands travaux. Que s'est-il passé depuis les changements? Ça, c'est intéressant aussi pour aider les autres auditeurs à comprendre certaines choses. Bon, venez nous dire quel lien, quelle relation vous avez avec votre cuisine. Vous vous y sentiez bien, vous ne vous y sentez pas bien, depuis que vous avez remis en couleur, depuis que vous avez changé des choses et tout ça ou tout ça. 070-23-33-23. SMS 30-63. Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Caroline Gillet que voici. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.E. Très belle journée à tous. La matinée a été bien nuageuse, c'est vrai, mais les éclaircies gagnent du terrain d'heure en heure. Elles se développent largement sur l'ouest et le centre. On garde temporairement plus de nuages sur l'Ardenne, mais les éclaircies finiront tout de même par percer. Il fait doux malgré le vent. Pour cette nuit, on va garder ce vent de sud-ouest, des températures entre 11 et 14 degrés. Demain matin, souvent de belles éclaircies, mais quelques nuages vont s'inviter sur le littoral et l'Ardenne. Dans la journée, le vent sera un peu plus fort encore, et puis des nuages plus compacts arriveront par l'ouest. Ils pourront donner quelques averses sur le bord de mer. Sur les autres régions, on va garder des éclaircies parfois généreuses, et puis côté température, elles resteront stationnaires par rapport à aujourd'hui. Midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Des militaires belges sur des images diffusées par le groupe État islamique. Sont-ils devenus des cibles? Une enquête est ouverte. Le patron de l'armée recommande de ne pas céder à la panique, mais demande aux militaires de faire attention à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Les petits actionnaires de Brussels Airlines ne veulent pas se laisser faire. Ils ne sont pas d'accord avec le montant proposé par Lufthansa pour racheter la compagnie belge. Ils veulent aussi que Brussels Airlines garde un ancrage belge. Une nouvelle patronne pour l'équipe belge de tennis, Dominique Monami, prend la tête de la Fed Cup. Et puis nous verrons dans ce journal si vous partirez prochainement en vacances sur